Lue par Plume d'encre pour audiocité.net. La Dame verte de Léon Gozlan. Un soir de l'hiver dernier, je descendais, bras dessus, avec un ami, une de ces rues qui vont comme elles peuvent, c'est-à-dire parfois tout de travers, des boulevards extérieurs à Notre-Dame-de-Lorette. Rue assez régulièrement bâtie, mais en revanche assez irrégulièrement habitée pour la plupart. Mœurs sujettes à l'alignement. Nous avions dîné à Montmartre, non pas dans un riant jardin peuplé de tilleuls et sous une joyeuse tonnelle couronnée de chèvrefeuilles et de clématites, mais dans un salon ni joyeux ni riant, chaudement clos. Bon, qu'exiger de plus d'un salon. Les clématites, les aubépines et les chèvrefeuilles sont partis en compagnie des lilas de Romainville et des roses de Fontenay pour un monde meilleur. Le jour où les embellissements de Paris en ont enlevé les beautés. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. D'ailleurs, il faut le dire, nous étions dans une saison où les fleurs dorment encore de leur sommeil d'hiver. Il tombait une pluie fine comme poivre et froide comme givre, moitié eau, moitié neige, pailletant les verres des lanternes d'une quantité de petites perles vertes ou bleues selon que le gaz les éclairait. Humectant les murs des maisons comme s'il pleuvait par toutes les croisées, savonnant les pavés sous les pieds des passants menacés d'un glissement perfide, et apportant à l'odorat cette fraîcheur fade qui, par les temps humides, monte des caves. Le silence de minuit mêlait sa taciturnité à ce délabrement universel, à ce frisson dont on se sent enveloppé, traversé jusqu'aux os, jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme, les nuits froidement pluvieuses d'hiver à Paris. Ces nuits-là, poèmes dégelés, sont la complainte de la nature. D'ondée en ondée, de glissade en glissade, d'éclaboussure en éclaboussure, dont nous nous étions naturellement gratifiés, mon ami Albert Varèse et moi, nous étions arrivés à la rue Pigalle, modèle de ces rues indiquées plus haut, type de la famille, échantillon du drap, rue aimable et de travers, une porte honnête entre deux portes courtisanes, rideau sombre qui ne s'ouvre jamais, rideau rose qui s'ouvre trop souvent pour laisser voir une tête qui sourit et se retire. Sonnez ici, ne sonnez pas là. Voyez-vous cette longue ligne de croisée peu éclairée, me dit Albert Varèse. Oh, pas éclairée du tout, s'il vous plaît, répondis-je à mon ami. Si, si, une lumière court de pièce en pièce, paraît et disparaît. Oui, oui, je l'aperçois. C'est la lampe de quelques domestiques cherchant à s'assurer, avant d'aller se coucher, qu'il n'y a aucun voleur caché dans l'appartement. Pourquoi me montrez-vous ces croisées? Voici pourquoi je vous arrête au beau milieu de la rue. Oui, et au beau milieu de la boue. Je tiens, avant de nous éloigner d'ici, à ce que vous gardiez dans votre cerveau, mouillé à cette heure comme une de ces feuilles de papier sans colle sur lesquelles on va imprimer des caractères typographiques, l'empreinte de cet étage entouré d'un balcon, celle de ces 8 croisées et de cette porte cochère, celle des 4 angles formés par la coupure de la rue où nous sommes et de la rue qui la traverse. Enfin, pour que vous gardiez en vous l'image sincère de la physionomie de l'endroit. Vous avez donc à me raconter quelque événement qui se serait passé ici? Oui, mais le vent, mais cette pluie, mais ce froid... Enfin, votre histoire, je le suppose, n'est pas en 3 volumes. Grâce au ciel, non. Eh bien, abritons-nous sous cette marquise et racontez. C'était en 1848. Date mémorable pour tout le monde, quelques jours seulement après la Révolution. Et je revenais comme aujourd'hui de dîner chez le bon docteur Michelin à Montmartre. Et c'était aussi le même temps que ce soir, moins froid je m'en souviens, mais tout aussi maussade. Ajoutez à cette maussaderie quelques enjolivements absents aujourd'hui de notre itinéraire. Les émeutiers, pardon. Les révolutionnaires avaient dépavé les rues pour construire des barricades. Produit l'obscurité la plus profonde dans tout Paris, en arrachant les tuyaux de gaz, provoquait des inondations dans une foule de quartiers, et celui-ci n'était pas excepté, en crevant les conduites d'eau. Ah, je ne vous parle pas du silence noir, de l'effroi silencieux, de la terreur qui planait, dès la nuit venue, sur la ville entière, livrée à des gens sortis des flancs d'une guerre civile. Je marchais donc, juste à l'heure où nous sommes en ce moment, à travers tous ces frissons, pour me rendre chez moi, quand, arrivé ici même, je fus surpris de voir l'étage que je vous ai montré tantôt si obscur, éclairé cette nuit-là à ses 8 croisées, mais éclairé à profusion, comme si nous eussions été en pleine sécurité. Louis-Philippe faisant son whist avec M. de Montalivet et M. Guizot, préparant une improvisation destinée à répondre le lendemain à un discours de M. Ledru-Rollin ou de M. Odilon Barreau. Quels gens pouvaient donc prendre tant de plaisir, s'abreuver de tant de joie, quand ailleurs, et ailleurs c'était partout à cette époque, on tendait furtivement l'oreille au bord des draps pour écouter si le rappel ne battait pas dans la rue, si on n'entendait pas des coups de fusil, ces coups de fusil que nous avons entendus pendant 4 mois consécutifs sans trêve ni merci. Si le tocsin ne tintait pas dans le lointain, se mariait-on à cet étage? Mais aucun mariage ne se célébrait plus pendant ces jours de deuil. Tous avaient été remis à des jours moins sombres. Ah, je crois deviner, dis-je, ce qui se passait à cet étage. Oui, oui, vous avez deviné. Assez énergiquement poussés, l'épée dans les reins par la police du règne de Louis-Philippe, les maisons de jeu se rouvraient avec enthousiasme en 48, n'ayant plus à craindre, ce règne étant fini, ses espions, ses agents, ses commissaires en écharpe et ses procureurs du roi en toque. Vous avez deviné. J'avais devant moi une maison de jeu, un salon de rouge et noir, un tripot enfin. La réunion devait être au grand complet, car je ne voyais pas arriver de voiture et aucune personne venue à pied ne franchissait le seuil de la porte. Mais si l'on ne pénétrait plus dans cet antre éclairé à giorno, de temps en temps il en sortait des visages renversés par le désespoir ou rouges de colère, ceux que la mauvaise fortune avait couchés d'un coup de pied sur le carreau. Ah ! Il ne se faisait pas faute de malédictions et d'imprécations. Quelques-uns, avant de s'éloigner tout à fait, menaçaient du poing la façade exécrée de la maison et semblaient lui promettre de venir la démolir dès qu'il s'en sentirait la force. Demander à ces damnés s'il pleuvait, si le froid était vif, si l'humidité serrait le gosier, c'eût été adresser la même demande à ceux qu'un sentiment contraire jetait au dehors. Qui, heureux de l'or dont leur poche était gonflée, courait se faire ouvrir les portes de la poissonnerie anglaise, du café de Paris, du café riche, enfin d'un établissement quelconque, afin de passer la nuit autour d'une table couverte d'excellents mets froids et d'excellents vins très chauds. Ces joyeux groupes se composaient en général de jeunes femmes et de jeunes gens, entourés de quelques maturités des deux sexes, feuilles fanées serrées autour de ces bouquets de fleurs fraîches. Expliquons-nous, fraîches relativement parlant. À Paris, je ne l'apprendrai à personne, les fleurs, les femmes de ce monde-là, bien entendu, sont souvent éblouissantes d'éclat, mais fraîches, jamais. Une de ces folles volées venait de sortir de cette maison et avait, après son passage, laissé la rue plongée dans un silence plus épais qu'auparavant. Absolument comme ferait une lampe qui, ayant traversé un endroit obscur, le laisse plus obscur encore derrière elle. Lorsque je sentis une main s'appuyer sur mon bras et y peser. C'était une femme? Oui, c'était une femme. Quelque mendiante, comme il en rôde toujours autour des maisons de jeu? Voulez-vous écouter mes premières paroles échangées avec elle? Ah, sans doute, sans doute. Monsieur, madame, rendez-moi un service, un très grand service. La charité? Vous demandez la charité. J'avais mis la main à la poche pour en sortir mon porte-monnaie. Au contraire, me dit la femme plantée devant moi. Comment, au contraire? Est-ce que vous m'auriez pris aussi pour quelque mendiant qui... Ma position sous cette porte a pu en effet... La double erreur eût été comique. Il n'y avait pas d'erreur, et vous allez juger vous-même que la situation n'allait pas du tout tourner au comique. La main qui s'était appuyée un instant sur mon bras se dégagea vivement du châle ou du manteau qui la couvrait et me désigna l'étage éclairé de la maison de jeu. « C'est une maison de jeu, me dit-elle. Je le suppose, madame. Voici 500 francs. » Et me prenant la main comme de force, elle l'ouvrit sans que j'eusse le temps de m'en aviser seulement. Elle y mit un rouleau d'or. Montez dans cette maison, à cet étage, et jouez cette somme-là pour moi. Mais jouez-la à un jeu qui aille vite, très vite, où il n'en manque pas là-haut. Jouez jusqu'à ce que vous ayez tout perdu et que vous ayez gagné 10 000 francs. Allez, je vous attends. « Mais enfin, madame, je ne vous connais pas. »« Si vous me connaissiez, je ne m'adresserais pas à vous. »« Mais vous ne me connaissez pas non plus. »« Mais qu'importe. Voulez-vous ou non me rendre ce service ?»« Mais non, madame. » Je tendis la main pour remettre dans la sienne, qui ne s'avança pas, le rouleau de 500 francs. Elle frappa du pied, et derrière son voile, il me sembla voir ses regards se porter au ciel, avec une résignation douloureuse et terrible. Il y avait comme une accusation blasphématoire dans cette invocation suprême. « Vous ne voulez pas ? Allez, tenez, je n'ai pas le temps de prier. Mais vous me refusez là une chose, enfin une chose... Mais enfin, mais madame, si je vous refuse, c'est que l'étrangeté de votre demande... Mais enfin, elle n'a rien d'étrange. Il faut que je risque cet argent. Mais il le faut !» Je ne puis pas monter jouer moi-même. Je ne suis pas de ce monde-là. Il me fait peur. Ah, monsieur, toutes ces explications dévorent un temps. Allez, la nuit s'avance, et il faut qu'avant le jour... Il ne passera donc personne dans la rue que je puisse charger, puisque vous ne voulez pas. Mais enfin, ce passant que vous invoquez peut être un voleur, et vous confieriez... Eh bien, s'il me vole, je me dirai que j'ai perdu là-haut, au jeu, l'argent que je veux risquer. « Ah, écoutez, quelqu'un vient !» s'interrompit la jeune femme éplorée. « C'est un passant et je cours. »« Non, » se reprit-elle avec un découragement amer. « C'est elle qui se promène en m'attendant. C'est elle. »« Elle ? Mais que voulait dire cette femme par ce mot « elle » ?»« Je ne voyais personne dans la rue où j'étais, ni dans celle qui la coupait à angle droit. » Était-ce une échappée du fameux docteur Blanche, dont la maison était encore à Montmartre à cette époque-là? Une seconde fois, j'avançai la main pour lui rendre son rouleau d'or. « Non, non, monsieur, non, non, vous ne me le rendrez pas. Je vous conjure de monter là-haut, de risquer cette somme, afin que je puisse... Enfin, il me faut 10 000 francs avant le jour. Je vous dis, il me faut 10 000 francs. Mais enfin, mais c'est de la folie. Oh non, monsieur, ce n'est pas de la folie. Mais enfin, je vous dis, madame, que c'est de l'honneur, monsieur. » Ce ne fut pas la bouche de celle qui me parlait qui prononça ce mot. Ce fut son âme tout entière. Parmi les mots, il y en a d'irrésistibles si on en croit les sorciers. Des mots qui arrêtent dans sa chute la pierre en train de tomber. Le mot « honneur », comme cette jeune femme le dit, m'arracha un cri et une résolution. « Mais je vous avertis, lui dis-je, je vous avertis que je ne suis pas joueur. Allez, allez, je vous attends. » Mais je n'ai jamais mis les pieds dans aucune maison de jeu. Allez, je vous attends, je vous attends. Enfin, mais mon inexpérience peut d'un seul coup vous faire perdre vos 500 francs. Allez, monsieur, mais allez donc, allez! Elle me poussa vers la porte qui nous faisait face et qui était toute grande ouverte ce soir-là et illuminée autant qu'elle est sombre et fermée en ce moment. J'entrevis alors, à la clarté d'une des lanternes de la porte, l'ensemble de ses traits. Ils me parurent fort beaux, mais leur grande pâleur leur donnait une beauté de fantôme, surtout sous le voile vert à travers lequel je les apercevais. Et comme ce voile était très long, ainsi qu'on les portait alors, elle s'en drapa vivement le visage. La pensée tardive lui étant venue sans doute qu'elle avait commis l'imprudence de me le laisser voir. À peine avais-je dépassé le seuil qu'elle courut à travers la pluie se tapir dans l'ombre où nous étions, elle et moi, une minute auparavant. « Et où nous nous trouvons tous les deux ce soir, vous et moi, » me dit Albert Varez. Mais en me retournant pour la voir encore une fois, continua-t-il, car je ne me lassais pas de cette curiosité si imprévue. Il me sembla voir aussi une ombre doubler l'angle de l'autre rue et s'avancer vers elle. Oh, je n'apercevais pas distinctement, il s'en faut même de beaucoup. Pourtant, il me parut à peu près certain que cette ombre était celle d'une femme. Oh, ben dites donc, quelle aventure ! Oh, j'y avais déjà les deux pieds. Il n'était plus temps de la fuir. Après avoir traversé la cour de l'hôtel, je gravis, fort étourdi de l'événement, véritable coup de pistolet, un assez beau perron, et par un escalier de marbre, qui avait été franchi sans doute par des pieds plus honnêtes que ceux dont il était foulé cette nuit-là, je parvins à l'entrée des salles, salons et cabinets de jeu. Les mille et une descriptions que vous avez lues des maisons de jeu étant à peu près exactes, et comme vous n'êtes pas arrivé d'ailleurs jusqu'ici sans avoir satisfait la curiosité d'en connaître quelques-unes, dans le but de les décrire vous-même dans certains de vos ouvrages, je ne vous fatiguerai pas de l'inutile tableau de celle où je pénétrais. Cependant, comme la révolution de 48 avait déteint d'une façon bizarre et même assez grotesque sur les mœurs parisiennes, je ne veux pas omettre de vous dire que beaucoup de jeunes gens, afin de se mettre à l'unisson de la note républicaine, avaient adopté la pipe, le cigare devant, selon eux, les faire paraître trop aristo, expression née de la démoralisation du moment aux yeux de la démoc-soc, autre belle expression contemporaine. Et c'était vraiment très laid et très drôle que tous ces habits noirs, ces tenues en général assez bonnes, et ces hideux brûle-gueule. Du reste, c'était tout le changement opéré jusqu'alors par la révolution sociale de 48. Et en conscience, ce n'était pas la peine. Tout en allant de la grande entrée des salons à l'une des tables où l'on jouait le lansquenet, je défis silencieusement au fond de ma poche le rouleau qui contenait les 25 pièces d'or. Les règles de ce jeu, le plus facile de tous les jeux de hasard, sont trop familières à tout le monde pour que je perde une seule minute à vous les expliquer. Je vous rappellerai seulement, parce que cela est nécessaire à la clarté du récit, que celui qui distribue les cartes au lansquenet, c'est-à-dire le banquier, est forcé de tenir contre les joueurs toutes les mises, jusqu'à concurrence des sommes déjà gagnées par lui. Or, quand je m'approchais du tapis vert, le banquier du lansquenet avait déjà récolté 10 ou 12 000 francs, réalisés en pièces d'or, amoncelées sous ses yeux. Je pouvais donc risquer tout ce qui me convenait. Je risquais 100 francs. La carte du banquier était un 7. Il fait le jeu et retourne pour lui un 7. J'avais perdu. La seconde fois, sa carte était un valet. Au cinquième jeté, le valet de carreau s'abattit sur son jeu. J'avais donc encore perdu 100 francs. Total, 200 francs d'englouti. Je réfléchis et n'aventurai plus qu'en tremblant 100 autres francs qui allèrent, en un clin d'œil, rejoindre les 200 disparus. Découragé par ce troisième échec, je laissai passer le coup suivant sans jouer. Précisément, ce coup-là démonta le banquier, qui fit, comme d'usage, place à un autre. J'aurais gagné si je n'avais pas passé. Ces fluctuations me tourmentaient déjà au-delà de ce que je puis dire. Que voulez-vous, quand on n'est pas joueur ? Pourtant, il fallait que je prisse un parti immédiat, ou celui de retourner vers la jeune femme qui m'avait imposé la pénible tâche de jouer pour elle, et de lui restituer 200 francs, reste tronqué de ses espérances, ou d'affronter de nouveau la fortune. Ce fut le parti auquel je m'arrêtais. Mais, brûlant de sortir d'une anxiété de plus en plus dévorante, je jouais d'un seul coup 200 francs. Et je gagnais. Je joue ensuite 100 francs, je gagne encore. La somme entière m'était donc revenue, les 500 francs. Explique l'homme qui pourra. Voilà qu'au moment où la veine me souriait, agitée, émue par toutes les transes que j'avais traversées puisque j'étais descendue, vous venez de le voir, jusqu'à perdre les 4/5 de la somme dont j'étais le dépositaire. La peur me saisit, m'étrangle et m'envoie au cerveau cette réflexion qu'avant d'arriver à un gain de 10 000 francs, s'il m'était déjà donné d'y atteindre, je passerais par des crises, par des angoisses sans proportion comme nombre et comme profondeur avec celles que j'avais déjà éprouvées. Puis, il faut aussi vous le dire, j'avais remarqué, pendant le coup que j'avais laissé passer sans jouer, que je devais être entouré de gens d'une délicatesse fort équivoque. Oui, j'avais avisé parmi eux deux anciens commis de mon père, chassés sans bruit de sa manufacture pour des erreurs de chiffres dans la balance de l'année. Il fallait donc m'attendre, là ou à toute autre table de jeu, à être volé. Et volé d'un argent qui ne m'appartenait pas, qui m'avait été confié, double raison, la dernière surtout, pour renoncer à la mission beaucoup trop épineuse que j'avais acceptée. Après tout, je ne connaissais pas cette jeune dame, et je ne connaissais pas davantage le jeu. Et en outre, je croyais parfaitement connaître la moralité de la plupart des joueurs réunis dans l'endroit. Ma résolution fut bien arrêtée. Je m'éclipsais brusquement des salons de jeu de la rue Pigalle et je descends l'escalier 4 à 4 pour me dégager sans retard d'une situation que je jugeais maintenant illogique, louche, malsaine, trop heureux, comme on dit, d'avoir su tirer mon épingle du jeu. Dès qu'elle m'eut aperçu la dame au voile vert, ivre, pour ainsi dire, de connaître le sort que je lui apportais, s'élança vers moi avec un empressement furieux. Et dans ce mouvement qu'elle opéra en passant d'un côté de rue à l'autre, elle me confirma ce que j'avais soupçonné quand je l'avais quittée pour monter aux salles de jeu. C'est qu'elle était avec quelqu'un. L'ombre entrevue par moi auprès d'elle était bien une femme. Perdue, n'est-ce pas ? Me demanda le voile vert d'une voix rauque, sèche, brûlée, je dirais. Non, madame. Gagnée ? Non, madame, voilà votre argent. Elle ne fit aucun mouvement pour reprendre les pièces d'or que je lui tendais. Ses deux mains venaient de tomber, paralysées le long de son corps, pareillement frappées de stupeur. Quoique mon attention fût fortement concentrée sur elle, je n'en dirigeais pas moins une partie sur le point où j'étais convaincu maintenant d'avoir vu une seconde femme. Mais pourquoi se trouvaient-elles ensemble ? Pourquoi l'une s'était-elle détachée de l'autre pour me faire cette extraordinaire proposition de jouer son argent, tandis que l'autre s'était furtivement dissimulé dans l'ombre, presque enfui. Cette communauté de mystères qui semblait se scinder sur un point, enfin bon, allez, après tout, il se pouvait aussi que sur ces deux femmes, l'une fût plus courageuse que l'autre, et que ce fût celle-là qui eût pris l'initiative hardie de m'aborder. La seconde, la plus timide, conseillait, et l'autre, la première, bien se dévouait. Vous ne me direz pas sans doute pourquoi ne demandiez-vous pas à celle-là ce que c'était que l'autre femme ? Bon, vous comprenez sans doute que du moment où je refusais de jouer pour elle, je n'avais pas le droit illimité de l'interroger, quoique l'impression produite sur moi par sa rare beauté, je ne vous le cacherai pas, ne me laissa pas tout à fait indifférent sur toutes ces choses. D'ailleurs, j'avais bien trop à apprendre sur elle pour chercher à pénétrer ce que pouvait être sa compagne nocturne. Ses premières paroles, dès qu'elle eut repris assez de souffle pour articuler quelques sons, furent « Et pourquoi n'avez-vous pas joué pour moi quand vous m'aviez quitté sur la promesse formelle de le faire ?»« Mais j'ai joué pour vous, madame. »« Vous avez joué pour moi. Et alors ?»« Eh bien, j'ai perdu d'abord, j'ai gagné ensuite. » Et enfin, quand j'ai eu rattrapé la somme que vous m'aviez remise, eh bien, je n'ai plus voulu, je n'ai pas osé recommencer. Et pourquoi ? Parce que j'ai découvert que je me trouvais parmi des voleurs. Eh bien, qu'importe, on continue. Mais on vole les voleurs. Enfin, mais madame, oh, le beau crime ! L'exaltation toujours croissante de cette femme se termina par cette explosion. Ah, si je savais voler au jeu ! Eh bien, le croirez-vous, ce mot inouï, qui eût dû me faire reculer, eut sur moi un effet tout différent. Elle compléta ainsi sa redoutable exclamation. « Ah oui, si je savais voler, je monterais là-haut, tout là-haut, dans cet enfer, et je ferais comme les autres. Je tromperais, j'aurais de fausses cartes, je mettrais l'argent des autres dans ma poche. Est-ce que je sais ce qu'ils font ? mais je le ferai. Je le ferai pour avoir mes 10 000 francs. Allez, donnez-moi vite cet or, remettez-moi cet or, se reprit-elle d'une voix convulsive, ses mains tremblantes, tendues pour recevoir. Rendez-moi mes 500 francs, je sais ce qu'il me reste à faire. Je les lui rendis, et aussitôt emportée, entraînée par l'idée qui la subjuguait, elle s'enfonça éperdument dans la cour de la maison de jeu. Elle avait déjà laissé derrière elle une douzaine de marches conduisant à l'entrée des salles quand je l'arrêtai vivement par le bras. Mais où allez-vous? Eh bien, jouez. Enfin, vous perdrez votre argent. C'est possible. Non, mais c'est sûr. Soit. Eh bien, si je perds, je m'élancerai de cette croisée dans la rue. Du moins, j'aurais tenté, j'aurais risqué. Et s'il y a une chance sur 1000 de gagner, eh bien, j'aurai peut-être cette chance. Ailleurs, je n'ai pas même cette chance-là. Donc, si cette seule chance ne sort pas, interrompis-je, et elle ne sortira pas, vous vous tuerez. Sur le champ, je vous l'ai déjà dit. Ainsi, laissez-moi. Je n'aurai plus le temps. Mais laissez-moi donc. Ne me disiez-vous pas tantôt, quand vous me suppliez de jouer pour vous cet or que je vous ai rendu, qu'il s'agissait pour vous de l'honneur ? Sans doute c'est chose grave que d'avoir à dégager son honneur d'un pas difficile, mais il faut compter aussi avec la vie, enfin surtout à votre âge. Eh bien, monsieur, me riposte comme une balle celle que je croyais avoir jetée dans une hésitation favorable à mon projet de la détourner du sien, puisque vous voulez que je tienne plus à la vie qu'à l'honneur, je vous la prendrai, et je vous la prends, il s'agit pour moi de l'une et de l'autre, et de la vie et de l'honneur. Elle venait de renverser mon objection et d'y passer dessus à pieds joints. Je repris précipitamment l'or que je lui avais rendu et la repoussant derrière moi, je remontai d'un trait l'escalier qui menait aux salles de jeu. Il s'agissait de sa vie. Sans m'arrêter à l'une de celles où l'on jouait le lansquenet, le souvenir de ma récente lutte à ce jeu ne m'ayant pas absolument encouragé à y élire une seconde fois le domicile de ma douteuse étoile, j'allai droit à une roulette. Quoique ce jeu n'existât plus en France depuis 1836, j'en avais assez entendu parler pour savoir qu'en plaçant son argent sur un seul des 36 numéros dont il se compose, on gagne 36 fois sa mise. 17 fois si on la place sur deux numéros voisins l'un de l'autre, 8 fois sur 4, 5 fois sur un 6-1, c'est-à-dire sur 6 numéros, et le double de la mise si elle était placée sur 12 numéros. Et la moitié de cette même mise si l'on opère sur 24 chiffres. Bon, sans vouloir tout risquer en une seule fois, décidé cependant à beaucoup risquer plutôt que de mourir en détail, je disséminai les 500 francs sur 6 numéros. Bonne inspiration, j'eus la joie d'en voir sortir un coup de fortune qui, me valant 6 fois ma mise, me rapporta conséquemment 3000 francs. Que je gagne encore une fois autant, que j'ai encore un pareil coup, me dis-je, et j'enlève 18 000 francs, somme presque le double de celle dont j'ai besoin pour combler les désirs et les vœux de cette jeune femme, à laquelle, je l'avoue, je m'intéressais de plus en plus, me trouvant vis-à-vis d'elle dans une de ces positions que vous avez peut-être connues vous aussi, où le cœur, heureux et irrité à la fois, semble vouloir conquérir en un instant tout le temps qu'il a perdu à ne pas connaître telle personne soudainement aimée. Cependant, me dis-je encore, risquer tout pour avoir le double, est-ce raisonnable? N'est-il pas plus sage de n'exposer d'abord que la moitié de ces 3 000 francs, me contentant de réaliser 9 000 francs s'il arrive que je gagne? Ce raisonnement l'emporta. Mais à quoi bon tant de prudence? À quoi bon vous faire tant languir? Je perdis une première fois. Je perdis une seconde. En sorte qu'une minute après mon si beau raisonnement, j'avais complètement perdu en deux coups les 3 000 francs gagnés. Par conséquent, aussi les 500 francs, unique et dernière espérance de la dame au voile vert. Il ne me restait plus qu'à lui transmettre la fatale catastrophe. Au premier moment, elle m'accabla, elle m'anéantit. Absolument comme si j'avais été moi-même, moi seule, la cause de ce désastre auquel je n'avais en réalité contribué en rien, si ce n'est par l'influence de ma mauvaise étoile. Et je reconnus alors qu'on ne pèse jamais assez, si prévoyant qu'on soit, les inconvénients qu'il y a à prendre dans les hasards de la vie la place d'un autre. Inconvénient que rien ne balance, pas même le succès. C'est assez de sa propre destinée. S'imposer celle d'autrui est toujours, à peu d'exceptions près, une faute ou un malheur. Pour ma part, j'étais malheureux au possible de cette perte d'un autre occasionnée par moi. J'en souffrais, j'en tremblais, j'en aurais pleuré. Ajoutez que l'intérêt que cette jeune personne désolée avait allumé en moi s'exaltait, pour ainsi dire à vue d'œil, de tout le tort imaginaire que je me prêtais. Vous comprenez maintenant que la perte des 500 francs n'était pas chose gaie à lui porter? La nouvelle me parut au contraire si terrible à dire que je me demandais un instant si je ne ferais pas mieux de m'esquiver par quelque issue secrète et de ne plus jamais revoir celle qui m'attendait dans la rue, le visage anxieux, le cœur palpitant, la vie au bord des lèvres. « Pourquoi non ? » me répondis-je. « Pourquoi ne m'échapperais-je pas sans la voir ? » Mais ne m'a-t-elle pas dit, sur un ton exempt de toute hésitation, qu'elle se tuerait si elle perdait les 500 francs qu'elle avait consacrés à lui en procurer 10 000 par le jeu ? Eh bien, ne me voyant pas revenir, elle conclura clairement que son argent a disparu dans le gouffre d'une perte, et son sort s'accomplira. Une autre idée dans ce conflit ardent, tumultueux d'idées, me fit aussitôt renoncer à ce projet de fuite. « Ah oui, oui, elle se tuera, c'est certain. C'est vrai, me dis-je de nouveau. Mais si elle ne m'a pas vu revenir, elle peut emporter de moi en mourant, enfin de moi qu'elle ne connaît pas, cette honteuse opinion que je l'ai volée. Oh non, je n'hésitais plus. J'allais droit à mon devoir. Je descendis rapidement à la rue pour porter à la pauvre femme la triste nouvelle, ou plutôt l'ordre de mourir. » J'étais si pressé, si impatient de me délivrer de mon pénible, de mon cruel message, qu'en tournant un angle d'escalier avec trop peu d'attention, je m'accrochai par la chaîne flottante de ma montre à une des boules de cuivre de la rampe, accident qui en détermina, comme cela arrive presque toujours quand on est pressé, plusieurs autres à sa suite. Tiré par la chaîne, mon gilet s'ouvrit et mon porte-monnaie, chassé de ma poche par la secousse générale, alla tomber sur le palier où mon argent se répandit. Me voilà forcé de m'arrêter pour le ramasser. 5 ou 6 pièces d'or, quelques pièces de moindre valeur. C'est en les replaçant à la hâte dans le porte-monnaie que me vint la pensée, qui ne me serait probablement jamais venue sans cela, de me demander pourquoi je n'essaierais pas de réparer avec mon argent la malheureuse, la déplorable, la désastreuse perte que j'avais fait éprouver à l'inconnu à qui je courais l'annoncer. La réponse à cette question ne se fit pas attendre. Je tournai sur le champ le dos au point où je me rendais pour me rendre de nouveau au point que je venais de quitter, me disant dans cette réaction spontanée d'une résolution sur l'autre, « Si je perds ces 100 francs ou 150 francs qui sont à moi, ma perte se confondra avec celle de la jeune femme au voile vert. Et si je viens à gagner, oh gagner, quelle tendre et rose illusion ! Bon, rassurez-vous, je ne l'avais pas au moindre degré. Vous admettez bien, mon ami, qu'une fois ce besoin de jouer, mon argent dans un but expiatoire, étant entré dans mon esprit, je n'avais plus à discuter un quart de seconde avec moi-même. Aussi ne fut-il pas discuté. Du pas ferme du soldat, brave ou non, mais déterminé, qui va au feu, j'allais de nouveau à la roulette. La soirée touchait à son beau moment. L'or coulait comme métal fondu sur les tables, entre les doigts, ou se figeait en forme de volcan devant les pontes anxieux et avides. Quand j'entendis la voix solennelle du banquier dire « Messieurs, faites vos jeux !» je posai 150 francs, enfin tout ce que j'avais, sur un seul numéro, le 5. Or, comme il y a contre le joueur 36 numéros, sans compter le 0, je crois, et le double 0, ce qui fait 38 mauvaises chances, je vous laisse à penser si j'espérais gagner. Mais le jeu s'engage, la roulette tourne sur son pivot, la bille lancée par le banquier bondit et s'arrête sur le numéro 5. J'avais gagné. Gagné 36 fois 150 francs. 5 400 francs. Mon cœur se gonfla et je sentis mes paupières se mouiller. Le banquier, lui, n'eut, j'en suis sûr, aucune douce émotion. Mais les pontes parurent charmées de ma victoire. Tout banquier est leur ennemi. Un autre coup allait commencer. Le banquier venait encore de dire « Messieurs, faites vos jeux !» Que faire ? J'étais loin encore de mes 10 000 francs. Étourdi, ivre, fou de bonheur, et m'imaginant qu'il allait continuer, je place encore sur un seul numéro tout ce que j'avais gagné. La galerie murmura hautement de cette témérité qu'avait précédé une témérité déjà assez grande. J'entendis circuler autour de moi ces mots. « Oh, mais c'est un insensé! C'est un brûlé! Oh, c'est un enragé! Il mérite de perdre! Ah, oh, de tout perdre! Jusqu'à sa chemise! Jusqu'à ses bretelles! Oh, c'est possible, me disais-je, mais je ne reviendrai pas sur ce qui est. Les dés étaient jetés. Je me trompe, ils n'étaient pas encore jetés, car au moment où le banquier allait abandonner la bille, un joueur placé près de lui, le prenant par le bras, lui dit « Arrêtez !»« Pourquoi ?» demanda le banquier étonné de cette licence. « Parce que si le numéro sur lequel monsieur a mis 5 400 francs vient à sortir, » répondit le ponte en me désignant, « il faudra que vous lui payiez 36 fois sa mise, c'est-à-dire que vous lui comptiez 194 400 francs. Or, comme vous ne payez pas au-delà de 6 000 francs, vous comprenez qu'il est inutile de laisser poser un enjeu aussi fort. » La vie arrivait à propos. Seulement, il ne venait pas du banquier, qui, si j'avais gagné, ne m'aurait donné en effet que 6 000 francs, et qui, si j'avais perdu, devait ramener devant lui avec son râteau mes 5 400 francs. Je ne laissais donc pour toute mise sur le tapis que 300 francs que j'aventurais plus que jamais sur un seul numéro. Alors, courons à l'événement. Le banquier se penche sur la roue aux 36 numéros, l'agite, et la balle vertigineuse, que des regards de 1000 expressions diverses haletantes suivent dans sa course vagabonde sur les cases, va se loger dans la case qui porte mon numéro, le 9 cette fois. Gagné. J'avais encore gagné. Entendez-vous ? Gagné. Oui, oui, oui, gagné. C'était un rêve, un miracle, en fait, tout ce qui vous plaira. Mais j'avais gagné. Je ne savais pas au juste ce que j'avais gagné. Le banquier me compta 6 000 francs, limite extrême, je vous l'ai dit. Limite extrême de la perte que la banque pouvait supporter. Ajoutez tout de suite ces 6 000 francs aux 5 400 que j'avais réalisés comme premier bénéfice, et vous me verrez emportant 11 400 francs en papier. Était-ce assez beau, assez inouï, assez prodigieux? Donc, victoire complète. La si intéressante femme au voile vert, la femme placée sous le coup de je ne sais quel redoutable événement, allait recevoir de mes mains, dans les siennes, la somme inespérée, le papier providentiel dont dépendait, m'avait-elle affirmé, son honneur et sa vie. Sans avoir eu conscience de 40 ou 50 marches que j'avais dévorées pour me rendre auprès d'elle, je me retrouvais dans la rue. Elle n'y était plus. À droite, à gauche, mes regards la cherchent. Personne, solitude, obscurité, silence, partout. Enfin, allons. Elle aura perdu patience, elle aura désespéré de me voir revenir et elle sera partie. Enfin, partie pour aller où? Ne me l'avait-elle pas dit? La vie, murmurais-je amèrement, est donc un leurre perpétuel? Implorer, supplier, rien ne se réalisera. Rien ne répondra à vos cris lamentables, ni à vos prières les plus ardentes. Abandonnez-vous alors au désespoir. Lâchez la détente de larmes posées sur votre front. Lancez-vous du haut de la berge dans la rivière. Et la fortune, cette railleuse maudite, accourra une minute après, vous apportant dans ses cauteleuses mains la chose pour laquelle vous avez perdu la raison ou la vie, toujours, toujours trop tard. Brisé, découragé, furieux contre la destinée, je me disposais, il fallait bien s'y résoudre, et je me disposais à quitter cette rue Pigalle qui m'avait coûté plus de sensations violentes en une seule soirée qu'en 10 ans d'existence au milieu des passions de la jeunesse. Et comme l'air de très humide qu'il était une heure auparavant était devenu très froid, je dépliais et j'endossais, pour parcourir le chemin qui me restait à faire avant d'arriver chez moi, le caban de toile gommée que j'avais gardé jeté sur mon bras depuis le commencement de la soirée. Après avoir inutilement fouillé du regard 20 fois encore et dans tous les sens toutes les cavités d'ombre de la rue Pigalle, ne pouvant me décider à croire que la jeune femme au voile vert était partie sans chercher à connaître son sort, j'allais entrer dans la rue qui traverse cette même rue Pigalle, tenez, là où mon doigt vous indique, quand j'entendis bruire des voix et des rires à quelques pas dans le brouillard, dont cette rue était gorgée jusqu'au toit des maisons, et là je m'arrêtais, j'écoutais très attentivement. Une des voix mêlées à ce rire me parurent celle de la femme au voile vert. Mais étrange chose que cette gaieté! À la distance où j'étais, je ne pouvais pas saisir d'une façon distincte les paroles échangées entre elles. Mais je devinais, au lambeau qui m'arrivait, qu'il était question des événements de la nuit. Je recueillais ces mots. « Mais enfin aussi, mais pourquoi êtes-vous allé vous imaginer ?»« Oh non, c'est trop naïf. Attendre, attendre, mais quoi attendre ?»« Encore une fois ?»« Mais illusion, ma chère, je vous répète. »« Ah, l'honnêteté du hasard !» Et les rires railleurs de reprendre. Mais était-ce de mon honnêteté qu'il s'agissait? L'ironie s'exerçait-elle à mes dépens? Et quoi, quand je venais de brûler mon sang dans un combat acharné, désespéré, avec le hasard pour conquérir 10 000 francs que je tenais encore tièdes dans la main en billets de banque, elle tournerait en vol au dévouement mon équipée chevaleresque? J'avais donc deviné juste quand je me prédisais ce qui m'arriverait si je fuyais après une perte. Elle m'aurait généreusement accusé d'être un fripon. Oh, cette belle opinion de l'humanité résumée en ma personne. Avais-je décidément affaire à deux femmes de ce quartier équivoque? Ou bien ma foi, je l'aurais cru, si une très judicieuse réflexion ne m'eût rappelé fort à propos que l'une de ces belles aux lèvres si moqueuses m'avait, en dépit de son peu de foi dans la probité générale et dans la mienne en particulier, confié 500 francs, et que personne au monde, même dans ce monde-là, ne jette ainsi au vent pareille somme pour s'amuser à ses propres dépens. « C'est égal, me disais-je, cela est à éclaircir, à dégager de toute espèce de doute, car si je me prouve qu'on m'a bafoué, je veux bien rendre dans ce cas 500 francs, quoique, à la rigueur, ma délicatesse ne doive rien à qui je n'ai rien emprunté pour les gagner. Enfin, mes 10 000 francs, ah non, non, non !» À la faveur de mon waterproof d'un gris de pluie admirable et de ma maigreur originelle, je pus sans crainte d'être découvert entrer dans la rue même où les deux femmes poursuivaient leur entretien, me glisser jusqu'à une faible distance de la place où elles étaient, et de cette façon-là entendre nettement ce qu'elles disaient. Une voiture de maître stationnait à quelques pas de là. Un fait essentiel, bien précieux pour moi, résulta tout de suite de mon changement de position, de mon rapprochement de la scène que j'avais tant intérêt à connaître. C'est qu'une seule de ces deux femmes alimentait la conversation. Qu'elle seule parlait, qu'elle seule riait, tandis que l'autre, celle au voile vert, semblait rester là par contrainte, par un effort suprême sur elle-même. C'est à cette dernière que celle qui n'avait pas de voile disait d'un accent de plus en plus accusé, touchant presque à l'injonction. « Bon, encore une fois, laissez-moi vous dire que la personne qui nous attend chez elle doit singulièrement perdre patience. Nous lui avions promis de nous trouver chez elle à minuit. Il est bientôt 4 heures. Bon, une dernière fois, vous décidez-vous à vous y rendre ?» « Mais encore une minute !» répondit affolée d'irrésolution, pourtant les deux pieds toujours dans la fuite, celle à qui venait d'être reprochée, sur un ton d'autorité, cette longue irrésolution. « Encore une minute, dites-vous. Enfin, mais c'est bien la 20e fois que vous prenez cette minute, et 20 fois, et jamais vous n'avez vu revenir celui que vous avez l'espoir fantastique de voir reparaître dans cette minute, ce modèle de confiance à qui vous avez remis si bénévolement vos 500 francs. « Crédulité, oh, crédulité de la jeunesse !»« Ne le calomniez pas !»« Moi, le calomnier ? Mais j'ai de lui la meilleure opinion du monde !»« Seulement, il n'a pas pris la peine, convenez-en, de la justifier. S'il eût été un malhonnête homme, riposta celle qui me défendait, car il n'était plus douteux qu'il fût question de moi, serait-il revenu me dire tantôt, en me rendant mon or, qu'il se refusait à le risquer de nouveau avec des gens dont l'improbité l'effrayait? Oui, c'est la fleur de la probité errante, de la loyauté nocturne. Enfin, mais quoi qu'il en soit, il n'est plus revenu, il ne revient pas, et je puis vous jurer. Mais il peut revenir, madame. Ah oui, quand? Dans 6 mois? Enfin, voyons, soyons sérieuses, dans une situation sérieuse. Ne m'avez-vous pas dit hier qu'enfin vous consentiez? Eh bien, je ne consens plus. Oh, alors, je ne consens plus à rien. Rien, rien. Ah, c'est différent. Alors, votre père... Bon, taisez-vous. Je ne veux plus recommencer avec moi-même une lutte impossible. Vous prenez donc sur vous la responsabilité des événements, prêts à le frapper? Mais je ne serai plus là. Et où serez-vous? Joignant l'action résolue à la réponse résolue, ou plutôt remplaçant la réponse par l'action, la jeune femme au voile vert, dont je découvrais de plus en plus la soumission à quelque événement formidable dont l'autre femme avait aussi la clé, partit, s'échappa, visiblement déterminée à réaliser sur le champ le sombre projet dont j'avais reçu la confidence, décidée à l'accomplir, ne comptant plus sur moi, n'espérant plus en mon retour. L'autre femme la retint énergiquement par le bras, se plaçant en même temps devant elle pour lui barrer le chemin. Dans ce mouvement brutalement significatif qu'elle exécuta avec une prestesse inouïe et une précision si grande qu'on eût dit qu'elle avait prévu qu'elle serait forcée d'y recourir, elle exposa son visage au rayon de la lanterne de la voiture arrêtée de l'autre côté de la rue. La lumière l'éclaira en plein. Oh, c'était un beau visage, assurément. Brun, énergiquement caractérisé, d'un type andalou par sa pâleur ardente et de fougueux cheveux noirs. Quoique les détails et les nuances, qui sont tant aux physionomies, m'échappassent, entrevues à cette clarté artificielle et fausse, dilatée en outre par la diffusion d'un brouillard cotonneux, je fus frappé de leur expression peu bienveillante. Ils me rappelèrent ceux de la Némésis antique, beaux à ravir et à effrayer tout à la fois. Ce n'était plus une jeune femme comme l'autre, ni même une femme jeune, à vrai dire. Si elle ne descendait pas encore la montagne, elle penchait déjà vers l'autre versant. L'équilibre était rompu. Bon, cependant, je vous le répète, sans ce caractère de méchanceté empreint sur ses traits, je lui trouvais de grands charmes encore. J'aurais su qu'à l'exemple de beaucoup de souveraineté parisienne, cette femme avait une histoire, j'aurais affirmé que la dernière page était encore fraîche. Tuez-vous, eh bien c'est très bien, dit-elle à celle dont elle avait coupé le chemin de la fuite. Abandonnez au désespoir, au déshonneur, celui que cette nuit encore vous vouliez en arracher par un sacrifice. Par un sacrifice, après tout, bien léger. Bien léger? Celle qui venait de relever ainsi avec une véritable horreur dans l'accent la manière dont l'autre qualifiait un fait, un acte, une chose qui échappait jusqu'ici à ma pénétration, chercha après ce mot, cri impératif de sa conscience, à se dégager du bras soudé au sien. Mais elle n'y parvint pas. Elle fut forcée de demeurer en place pour entendre encore ces paroles sorties en foudre de la bouche qui les dit. « Bon, expliquons-nous nettement, madame. Imprudence ou folie, le nom que vous portez va être inévitablement publiquement flétri. Est-ce vrai ?»« Oui. Bon, »« Aucune porte ne vous est ouverte ?» Vous frappez à la mienne. Est-ce vrai? Oui, oui. Elle s'ouvre. Je retire votre désespoir. J'imagine un moyen de vous sauver. Vous l'acceptez. Est-ce toujours vrai? Oh, oui, oui, mais... Bon, avez-vous accepté, oui ou non? Vous avez accepté. Alors moi, je cours, je prie, je supplie, je promets, je m'engage. J'obtiens que vous aurez ces 10 000 francs, somme qui certes n'est pas facile à réunir dans ces temps d'aimable révolution. Et la preuve, c'est que la personne obligeante qui vous les donne a engagé elle-même, pour se les procurer, des valeurs considérables. Des titres pour 10 fois au moins ces 10 000 francs. Et quand elle a compromis pour vous, aliéné peut-être pour toujours une partie de sa fortune, J'irai lui dire négligemment « Il n'y a rien de fait, tout est rompu, vous avez perdu 100 000 francs pour en avoir 10 000. Eh bien, arrangez-vous, c'est votre affaire. Cette dame a mieux aimé se tuer. » « Oh non, et vous allez me suivre, s'il vous plaît. » Ceci dit, elle prit énergiquement sous son bras la jeune femme épouvantée qui, arrivée à son dernier effort de résistance, allait par défaillance de cœur, par épuisement de volonté, se laisser entraîner. Traîner serait mieux dire, là où tout en elle se révoltait d'aller. La minute était suprême pour elle. Une catastrophe, suspendue à un cheveu, la menaçait. Mais quelle était cette catastrophe? Je me montrai. « Voilà, madame, 10 000 francs, lui dis-je, en lui présentant 20 billets de banque de 500 francs réunis en paquet. Un étonnement, moitié doute, moitié sourire, fut sa réponse. Et ce sourire, qui ne posait sur rien, ressemblait au sourire blanc et vide de l'idiotisme, une ombre, rien de la réalité. « Prenez donc vos 10 000 francs, lui dis-je de nouveau. « Vous me dites, monsieur ?» Le sourire continuait, mais plus précis cependant. « Prenez, lui dis-je une troisième fois, les 10 000 francs que je viens de gagner avec vos 500 francs. » L'explosion suivit le silence. Enfin, elle avait compris. Elle saisit les 20 billets de banque, les fourra, les repoussa, les entassa, les écrasa dans le fond de sa poche, comme on le ferait même pas d'un mouchoir. Il y avait dans tout cela comme le fait d'une personne encore à demi endormie, qui ne veut pas être prise au piège d'un rêve et qui se dit en elle-même « Prenons garde que ce soit un rêve. Ça pourrait en être un, mais je ne veux pas que ce soit un rêve. Je veux que ce soit un fait réel, une chose vraie, indéfaisable. » C'était assurément là le raisonnement intérieur que faisait cette pauvre jeune femme qui, à force de bonheur et d'exaltation dans le bonheur, devenue un sentiment, une idéalité, plus ou moins qu'une femme, jeta ses deux bras autour de mon cou et en m'embrassant me dit « Oh, mais que vous êtes bon, mais que vous êtes bon! Oh, que Dieu vous récompense sur la terre et dans le ciel !» L'autre femme, acteur et témoin de cette scène, s'était figée et durcie en marbre, enfin en bronze plutôt. Le marbre n'a pas la dureté rigide, la fixité inflexible avec laquelle elle me regardait. Elle était passée furie. La véritable Némésis avait pris le dessus. Il me semblait que ses cheveux se tordaient couleuvre noire, vipère jaune, autour de son front d'une pâleur implacable en ce moment. Évidemment, tout s'écroulait sur l'échafaudage où sa redoutable machination était dressée. Et l'échafaudage lui-même s'abîmait avec elle et sur elle. J'ignorais profondément ce qu'elle avait espéré, mais ce qu'elle avait espéré était brisé, anéanti, poussière. Je n'aurais pas lu cela sur son splendide et féroce visage que le son de sa voix enrouée par la rage me l'eût confirmé. « Eh bien, madame, puisqu'il en est ainsi, puisque vous avez vos 10 000 francs !» Elle hachait les mots avec un tranchoir. Il saignait. L'autre femme ne la laissa pas achever. « Puisque j'ai mes 10 000 francs, répliqua-t-elle, eh bien, je m'en vais !» Ce fut sa conclusion à elle. Tout à sa joie, tout à son désir de rentrer chez elle avec son trésor, elle ne voyait plus ni celle qui lui parlait, ni moi, ni quoi que ce fût au monde. Ce despotisme spontané de la personnalité humaine rentrait trop dans la vérité. Il s'expliquait d'ailleurs si bien par la réaction immédiate de la joie sur la douleur éprouvée qu'il ne m'étonna pas. « Madame, il me semble qu'il est bien tard, » lui dit la Némésis, contenue dans le bouillonnement de sa colère par ma présence. « Bien tard pour que vous vous risquiez ainsi à rentrer à pied chez vous, si loin d'ici et dans les temps peu tranquilles où nous vivons. Allez, ma voiture va vous ramener. » « Sa voiture ? Ah, la belle voiture de maître arrêtée de l'autre côté de la rue était donc à elle ?» Dans l'état d'ivresse heureuse, indescriptible, où elle nageait jusqu'aux lèvres, préoccupée sans doute de s'éloigner n'importe comment d'un endroit qui ne lui rappelait rien qui ne lui fût une torture, la femme au voile vert suivit sans réflexion celle qui lui faisait cette proposition du reste fort naturel, enfin, du moins à mon point de vue. Mais à peine avait-elle appuyé le bout de ses brodequins sur le marchepied et jeté les yeux dans l'intérieur de la voiture, qu'exhalant un cri d'épouvante, elle se rejeta effroyablement en arrière, ressaisit le pavé avec frénésie et courut devant elle avec une rapidité si folle, si désespérée, que 2 secondes après, elle avait disparu comme un flocon de brouillard dans l'espace. L'autre femme était montée aussitôt dans la voiture, dont elle ferma rudement la portière sur elle. Et les chevaux lancés au galop de sa colère, comme s'ils l'avaient partagée, descendirent la pente rapide de la rue Blanche dans la direction de la rue Saint-Lazare. Némésis avait disparu dans son char. Et je restais seule dans la rue déserte, dans l'obscurité, dans le vide, dans le silence, me demandant à mon tour, au milieu de ce subit isolement, si tout ce qui venait de se passer n'était pas un rêve. Ce qui n'était pas un rêve, dis-je à mon ami Albert de Varèse, arrêté, pensif, à cette station de son aventure nocturne dans la rue Pigalle, c'est que vous aimiez déjà cette jeune femme. Ah, déjà, dites-vous, mais je l'aimais depuis des années et des années, depuis toujours. On a toujours aimé celle qu'on doit réellement aimer. On ne la trouve pas, on la retrouve. Oh oui, je l'aimais. Mais, se reprit Albert de Varèse, comme le reste de mon histoire à laquelle vous semblez vous intéresser, n'exige pas absolument que nous demeurions ici exposés à l'humidité de la nuit. Je vous dirai, pendant que nous boirons quelques chaudes tasses de thé, vraie caravane venue de Kiata, ce que j'ai encore à vous dire.